Electric. J'fais mon bis dans la part des apes, ma chérie, j'suis plus en love. J'm'en fous tes fesses, j'vais toucher du mot. Tout tes pressions, les voisins veulent que j'coupe le son. Qu'on m'appelle, viens du 9-3 de double zéro. Kalachnikov, viens, on t'accueille. Ils se prennent pour des Savastano. Dans la ville, c'est eux qu'on raquette. Tu as deux doigts de manger les couverts. Quand il reste plus rien dans l'assiette, j'veux plus voir sa snake. Depuis en bas, chez moi, tu m'harcèles. Elle sait que tu es le professeur, mais elle tombe dans le panneau comme Raquel. Non, non, laisse-moi faire de l'oseille pour le moment. Son African Banks, oh. J'fais mon bis dans la part des apes, ma chérie, j'suis plus en love. J'm'en fous tes fesses, j'vais toucher du mot. Tout tes pressions, les voisins veulent que j'coupe le son. Midi 30 quand lui est posté. Sa bibi à fond comme Narcos. Ouais, j'suis dans la part des apes. Posé sur la chaise, j'encaisse. J'veux voir que des billets de 500. Donc, je calcule pas trop ses fesses. On fait tourner l'entreprise. C'est de la frappe, donc j'augmente le prix. Les condés sont en train de perdre la tête. Y'a aucune preuve à l'appui. Le tosma est bien dilaté, ça gang gang comme un PAP. Le tosma est bien dilaté, ça gang gang comme un PAP. Et mon bis dans la part des apes, ma chérie, j'suis plus en love. J'm'en fous tes fesses, j'vais toucher du mot. Tout tes pressions, les voisins veulent que j'coupe le son. J'ai touché du mot.